Chapitre 18. Portrait de Ram corrigé par Georges. Quand le temps des vacances arriva, M. Dormer revint à Plaisance avec Georges. Les mains vides de prix, tandis que le père de Jacques l'emmenait chargé de lauriers. Il avait eu des prix dans toutes les compositions, et il avait reçu les compliments et les éloges que méritaient son excellente conduite, son travail persévérant et son exacte obéissance. Cette année, il revenait encore une fois l'un des meilleurs élèves de Vaugirard. Geneviève regretta que Georges ne fût pas comme Jacques, mais elle fit son possible pour lui faire le meilleur accueil. Elle lui fit voir ce qu'il ne connaissait pas, et entre autres choses, le portrait achevé de Ram. « Qu'est-ce que c'est que ce vêtement de paillasse ?» dit Georges en éclatant de rire. Geneviève embarrassée. « C'est le bel habit de fête que mon oncle a bien voulu accorder à Ram. « Il est si heureux quand il le met qu'il fait plaisir à voir. » Georges. « C'est un habit de bouffon, ma chère. Je m'étonne que papa ait consenti à une chose aussi ridicule et que ma cousine Primrose ait bien voulu le peindre ainsi costumé. » Geneviève. « Ma cousine a fait voir ce portrait à plusieurs personnages du voisinage. Ils l'ont trouvé très beau. » Georges. « Il est horrible, ridicule. S'il était à moi, je le couperais en morceaux immédiatement. » Geneviève. Heureusement qu'il n'est pas à toi, mais à moi, car ma cousine a bien voulu me le donner. Georges. Beau trésor à conserver. Tiens, je m'en vais, il me fait mal au cœur à regarder. Et il sortit de l'appartement. Geneviève soupira. Il est toujours le même, pensa-t-elle. Il n'est pas meilleur qu'il n'était. Pourquoi ne ressemble-t-il pas au bon Jacques, comme je serais heureuse? Je vais passer de tristes vacances, je le crains bien. Elle avait raison, la pauvre enfant. Il ne se passait pas de jour qu'elle n'eût à souffrir du mauvais cœur et du mauvais caractère de Georges. Il devenait plus malveillant et plus jaloux de jour en jour. Sans cesse, il se plaignait à son père de Geneviève, de Pélagie, de Ram, et même de Mademoiselle Primrose, qu'il détestait et qui lui disait ses vérités sans se gêner. Quelques jours avant la fin des vacances, Georges refusa d'accompagner Mademoiselle Primrose et Geneviève dans une promenade qu'elles allaient faire dans les champs. Ram devait les suivre comme toujours. Un quart d'heure après leur départ, Georges entra sans bruit chez Mademoiselle Primrose, retroussa ses manches, prit les pinceaux et la palette chargée de couleurs, grimpa sur une chaise et se mit à barbouiller le portrait de Ram, tout en parlant haut, comme si le pauvre nègre pouvait l'entendre. « Attends, coquin, dit-il, je vais te peindre, moi. Je vais te faire des cornes comme à un diable que tu es. Je vais te barbouiller ton habit de noir. Là, te voilà bien maintenant. Tu ne seras plus fier et tu ne danseras plus devant ton horrible portrait. Je suis content d'avoir pu t'arranger ainsi. Il y avait longtemps que j'attendais le moment. » À peine eut-il fini ce dernier mot qu'il entendit un cri semblable à un rugissement. Il se retourna avec effroi. Il n'y avait personne. Dans les premiers moments de sa frayeur, il resta immobile, ne sachant d'où provenait ce cri terrible qui n'avait rien d'humain. Il se dépêcha de tout remettre en place et il se sauva dans sa chambre, inquiet, écoutant les bruits du dehors. Une demi-heure se passa sans qu'il entendît rien d'alarmant. Enfin, un cri, suivi de plusieurs autres cris, retentit dans le bois. Georges écoutait. Les cris se rapprochaient, mais devenaient plus faibles. Enfin, des voix confuses s'y mêlèrent. Il distingua celle de Mademoiselle Primrose, couvrant celle plus douce de Geneviève. Il reconnut aussi la voix de Ram entrecoupée de gémissements. Tout s'apaisa en approchant du château. Plusieurs personnes montèrent précipitamment l'escalier et se dirigèrent vers l'appartement de Mademoiselle Primrose. « Je suis perdu, se dit-il. Quelqu'un m'aura vu et aura été avertir la grosse Primrose, la sotte Geneviève et cet imbécile de nègre. On n'a pas pu me reconnaître, j'espère. » Quand je me suis retourné, il n'y avait plus personne. Je dirai que ce n'est pas moi. Ils croiront ce qu'ils voudront. Je soutiendrai que je ne suis pas sorti de ma chambre. Vite, un livre devant moi. » En prenant le livre, il s'aperçut qu'il avait de la couleur aux mains. Il se dépêcha de les savonner, de les brosser, jusqu'à ce qu'il ne restât plus de traces de couleur. Mais on ne pense pas à tout quand la conscience est troublée. Il oublia de vider la cuvette colorée de rouge et de noir, et de retourner le bas de ses manches, qui avaient touché à la couleur et qui en avaient en dedans ainsi que les manches de sa chemise. Il reprit son livre et attendit. Pendant qu'il préparait son mensonge en faisant disparaître les traces de sa méchanceté, Ram, car c'était lui qui avait surpris Georges et qui s'était enfui en poussant ce cri terrible, Ram sanglotait devant son portrait. Ram. Vous venir voir, mademoiselle Primrose, vous voir, petite maîtresse. Pauvre Ram, diable, pauvre Ram des cornes, Ram plus d'habit rouge, grand chef, pauvre Ram, Ram mourir de chagrin. Geneviève pleurait du désespoir de son pauvre Ram. Mademoiselle Primrose était consternée. Mademoiselle Primrose. Tu es sûre que c'est Georges qui a fait cela? Tu l'as vu? Ram. Moi voir Moussu Georges monter sur chaise et faire noir habit. Moi pousser grand cri et courir chercher mademoiselle Primrose et petite maîtresse. Quoi faire, bonne mademoiselle? Comment laver? Mademoiselle Primrose avec joie. Laver? La bonne idée! Vite, un torchon, de l'huile, je vais tout raccommoder. Ram. Voilà torchon, comment torchon raccommoder? Mademoiselle Primrose. Tu vas voir. Va vite demander à Pélagie 3 vieux chiffons et de l'huile. Mademoiselle Primrose décrocha le tableau, le posa sur son chevalet, et avec le torchon se mit à enlever la couleur encore toute fraîche du visage, puis de l'habit, et le tout reprit sa couleur. Elle acheva le nettoyage avec les torchons et l'huile qu'apporta Ram. En un quart d'heure, il ne restait rien des couleurs de Georges. Et celles de dessous, qui étaient bien sèches, reparurent aussi belles qu'auparavant. Ram témoigna sa joie en se jetant aux genoux de mademoiselle Primrose et en lui baisant les pieds. Geneviève était enchantée du bonheur de Ram et embrassait mademoiselle Primrose en la remerciant mille fois. « À présent, dit mademoiselle Primrose, je vais me laver les mains. » Ensuite, j'irai raconter à M. Dormer l'abominable méchanceté de son cher Georges, et nous verrons s'il osera la lui pardonner. Geneviève, cette fois, ne demanda pas grâce pour son cousin. Elle avait été indignée du chagrin qu'il avait causé au pauvre Ram, et elle-même trouvait que Georges méritait une punition sévère.